علم الحديث مهم جدا. طيب مصدر الشريعة ما هي؟ La base de la religion. Les bases de la religion, c'est quoi? Quelles sont les bases de la religion? Hein? Quand je dis les bases de la religion, c'est Masadir al-Sharia. D'où tu prends ta religion? Al-Kitab al-Sunnah. Tamam? Fadr. Al-Kitab. هذا من عند الله محفوظ لا يأتي بين يديه الباطل c'est le kitab tout ce que vous allez voir dans le Coran de surat al-Fatiha à la surat al-Nas ما يمكن للناس أن يغيروه بحرف واحد ما يمكن فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه الله سبحانه وتعالى il a garanti la protection de ce Coran. Et c'est pour ça, depuis la venue du prophète عليه الصلاة والسلام, إلى يومنا هذا وإلى قرب الساعة, ما من أحد يستطيع أن يبدل حرفا من القرآن. لا حقيقة ولا في معنى. Que ce soit d'une manière véritable ou معنويا. كيف أنا ou dans son sens. كما فعلوا أو أرادوا أن يفعلوا كثير من المبتدعة لما حرفوا معاني الأسماء والصفات وغير ذلك ما استطاعوا على كل حال كتاب الله إذا أتاكم آية ما تحتاجون أن تنظرون إلى صحته إلى صحتها تأخذون مباشرة أما المصدر الثاني الذي هو السنة فلا تؤخذ يعني مطلقا mais en ce qui concerne la sunna donc le Coran si il vous vient un verset du Coran vous devez de le prendre et d'y croire tamam mais si il vous vient un hadith comment ça se passe est-ce que vous devez y croire directement faut voir s'il est sahih هذا لابد فليس كل ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه. C'est pas tout ce qui a été dit que le prophète a dit qui remonte bien jusqu'au prophète عليه الصلاة والسلام. Donc juste avec ces courtes paroles, vous voyez l'importance de connaître un tant soit peu la science du hadith et de savoir qu'est-ce que c'est qu'un hadith sahih. Qu'est-ce que c'est qu'un hadith Hassan? Qu'est-ce que c'est qu'un hadith Daif? Qu'est-ce que c'est qu'un hadith Makhloub? Qu'est-ce que c'est qu'un hadith Ila Akhir? Fali Hada, ça n'adrus fi Hada al-Wakht, Shay'an, Yassiran fi Hada al-Kitab, alladhi huwa al-Bayquniya, Bisharh, Shaykhuna, ou Shaykhina, Abi Abdel Aziz, Turki al-Abdini. ويعتبر هذا الشرح من أنفس ما شرح في هذا الكتاب. Donc celui qui veut le شرح, ce même livre là, je l'ai sur mon téléphone. Le cheikh me l'a envoyé hier. Inch'Allah, je l'envoie à celui qui veut, ou si je l'envoie juste à Aaron et après il s'occupera de le propager. Et à la base, on avait prévu de l'étudier quand ? Samedi après Dhuhr. Lakin, samedi, dimanche, ça va pas suffire. C'est un kitab, il est petit, mais il faut des jours. Deux jours dans la semaine, c'est pas assez. Tandis que là, si on le prend, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, là, on n'est plus comme dans les longs cours qu'on avait. صحيح مسلم كان يحتاج إلى نفس كنا نقرأ في شرح العثيمين وبعد هذا كان معنا سنن البيهقي وسنن البيهقي كنا نحب أن نأخذ فوائد الفقهية وغير ذلك أما الآن معنا كتب صغيرة لا on a plus que des petits livres ça va vite on fait 10 ou 15 minutes par livre الحمد لله انتهينا. Donc, Inch'Allah, à partir de demain, نستمر في هذا الأمر. نعم. طيب. طيب. Comme personne n'a le livre, Inch'Allah, on va attendre demain pour bien rentrer dans le livre, Inch'Allah.